Bonsoir, nous sommes le troisième jeudi du mois d'octobre. Vous êtes à l'écoute de Radio Campus sur 106.6 et particulièrement ce soir, cet angle d'attaque qui fait partie de l'émission Soigne ta gauche. Cette émission a été enregistrée le lundi 17 octobre. Le programme de ce soir est comme à l'accoutumée maintenant, c'est quand même la deuxième fois on va dire l'accoutumée, en quatre parties. Une partie attaque, actualité d'attaque, et qui est pas mal chargée en ce moment, c'est René qui va en parler. Et ensuite, le gros morceau sera le G20 et puis les paradis fiscaux. Alors pour ça, ce sera à quatre voix, avec Germain pour débuter, qui va faire le point sur ce qu'est le G20 et ce qu'on attend de lui, ou ce qu'on n'attend pas de lui d'ailleurs, on va voir peut-être un peu plus tard. Ensuite, Xavier et Christian parleront des paradis fiscaux avec le G20 et nous aborderons avec Wilfried Morin, qu'on appellera à Paris, sur le fameux G20 de Cannes du mois de novembre et ce qu'il faut en penser et surtout ce qu'il faut y faire, puisqu'il y a une grosse mobilisation dont Wilfried va nous parler. Voilà. Donc le programme de la troisième partie, de deux grandes parties. La troisième partie sera un peu plus courte, c'est celle des lectures. Nous avons trois livres ce soir à vous proposer, c'est pas mal. Et enfin, comme d'hab, ce sera Antoine qui clôturera l'émission avec les rendez-vous militants de la région. Voilà donc le programme chargé de la journée. Je vais passer la parole à René, qui donc a eu des saines lectures ces temps-ci, et notamment sur l'activité d'attaque. Vas-y René. Donc je vais vous parler là des différentes campagnes d'attaque qui ont eu lieu cette année, à commencer par la campagne « À nous les banques », dont le premier temps fort a consisté en une évaluation citoyenne des banques, c'est-à-dire un questionnaire qui a été adressé aux 10 principaux groupes bancaires opérants en France, réalisé conjointement avec les Amis de la Terre et relayé par les comités locaux. Le lancement de ce questionnaire a eu lieu à la mi-avril 2011. Alors qu'est-ce qui était visé par ces questions? Tout d'abord, évaluer la transparence des banques, c'est-à-dire mesurer un peu l'écart entre ce qu'elles disent et ce qu'elles font, et mieux cerner leur impact économique, social et environnemental. Bon, c'est un questionnaire adressé aux banques, alors il faut être prudent. Donc, quel est le contenu de ce questionnaire? Alors, le contenu consistait en une vingtaine de questions réparties en 5 thèmes. Ces thèmes étaient risque et spéculation, par exemple présence dans les paradis fiscaux. Et on répond à ça? Les banques ont répondu? Les banques ont répondu. Bon, ok. On peut même considérer que c'est un succès, puisque 8 groupes bancaires sur les 10 sollicités ont répondu. Et on peut aussi constater que... ça nous a apporté certaines surprises. Ben, quel genre de surprises? Eh bien, déjà, certains établissements dits mutualistes, coopératifs, donc relevant en principe des statuts de l'ESS, ne sont pas les plus transparents. Ouais. Et que certaines questions ont bien embarrassé les banques, notamment vis-à-vis des relations vis-à-vis des clients. Au niveau de la démocratie et la participation de ce qu'on appelle les parties prenantes, c'est-à-dire des acteurs extérieurs, un peu syndicats, groupements de professionnels, associations. Pour certains établissements, c'est tout simplement impensable. Les projets controversés et à risque, notamment qui portent atteinte à l'environnement. Et bien sûr, les paradis fiscaux. Les banques se référant, elles, aux normes de l'OCDE, qui ne sont pas celles du Tax Justice Network, ni bien du sûr, CCFD. Ni même du GAFI. Oui, oui. Mais c'est quand même intéressant de savoir que l'OCDE a une influence quand même sur les banques et ils répondent effectivement aux critères quand même de l'OCDE. C'est quand même un point positif. Alors, qu'est-ce qu'on fait de plus avec ce questionnaire? Eh bien... Donc, ce premier temps, enfin, oui, cette première analyse des réponses a permis donc de classer les banques en fonction de la franchise de leurs réponses. Et maintenant, bien sûr, le travail d'analyse va continuer, notamment pour révéler les distorsions entre la communication des banques et leurs agissements réels, ce qui va d'ailleurs alimenter le deuxième temps fort de cette campagne, qu'on appelle le tribunal des banques. Alors, bon, qu'est-ce que c'est que le tribunal des banques pour nos auditeurs ? Il faut qu'ils sachent quand même ce que nous faisons. Bien, il s'agit d'un tribunal bien sûr fictif, qui sera présenté sous forme de théâtre, et dont une première représentation aura lieu au Contre-G20 de Nice du 1er au 4 novembre 2011. D'accord, comme vous ce savez. Sera particulièrement d'actualité. Autre chose, René. L'autre campagne importante, c'est l'appel à un collectif pour un audit citoyen de la dette publique. Un audit citoyen, ouais. Alors, pourquoi ? Parce qu'il n'est pas évident maintenant que cette crise de l'endettement, qui est aggravée par la crise financière, sert de prétexte à déposséder les peuples au profit des possédants. Et face à ce qui apparaît donc finalement comme une forme d'escroquerie, il est apparu urgent et nécessaire donc pour Attaque de mettre en place cet audit citoyen. On pourrait résumer simplement en posant cette question. Cette dette est-elle légitime ? Ou tout au moins, dans cette dette, qu'est-ce qui est légitime, qu'est-ce qui ne l'est pas ? Alors, cet audit citoyen, ce n'est pas Attaque tout seul. Il s'est fait avec un collectif, il me semble. Tout à fait. Suite à l'appel d'Attaque, 28 organisations ont répondu. Donc, bien sûr, des associations, syndicats, partis politiques, publications, etc. Déjà, deux réunions plénières ont eu lieu entre les différents participants. D'accord. Ok. Alors, quel est le rôle ? Comment ça va se passer avec ce collectif ? Ce collectif développe divers moyens d'action. Alors, déjà, constituer une base documentaire. Au besoin, exiger des pouvoirs publics l'accès aux informations pour établir un diagnostic. Publier une documentation expliquant les enjeux et les mécanismes à l'œuvre et accessible à tous. Impulser la création de comités locaux d'audit de la dette publique. Organiser des débats et actions au niveau local, national, européen même. Interpeller aussi les élus et les candidats aux élections sur leurs projets par rapport à la dette et aux finances publiques. Alors notamment... Attaque a lancé un questionnaire aux candidats à l'élection présidentielle. D'accord, oui. Qui devrait d'ailleurs bientôt être envoyé. Et enfin, se coordonner avec d'autres initiatives européennes ou internationales, comme par exemple le mouvement des indignés, la journée du 15 octobre, qui a été largement relayée par les médias, oui. Et par les médias aussi. Alors, ça, c'est le plan national. Nous sommes un comité local. Nous travaillons la main dans la main avec le comité local de Roubaix-Tourcoing et le comité local de Villeneuve-d'Ascq. Tout à fait. Qu'est-ce qu'ils font, nos amis ? Alors, le comité local de Roubaix-Tourcoing décline au niveau local l'audit citoyen, qu'il a intitulé d'ailleurs « La lutte contre l'austérité » et a également lancé un appel à d'autres organisations. Et le CL de Villeneuve-d'Ascq... Comité local. Pardon, le comité local de Villeneuve-d'Ascq a réalisé un questionnaire adressé aux formations politiques... aux formations politiques locales, c'est ça. Les fédérations et les hommes et femmes politiques de stature nationale. Ouais, les députés ou sénateurs peut-être, effectivement. Voilà. Alors nous, on ne fait rien du coup. Ben, si on fait quelque chose, on va relayer avec l'équipe de campus d'Attaque ce questionnaire qui nous semblait bien intéressant. Et c'est comme ça qu'on travaille généralement au comité, dans les trois comités de l'île métropole. Tout à fait. D'ailleurs, au moment des retours, Villeneuve-d'Ascq souhaite notre participation à... Voilà. Aux réponses pour diffuser les réponses des politiques. Très bien, merci René, c'était copieux. Et alors, je peux te dire que compte tenu de ce que tu as dit, l'actualité va continuer. T'es pas prêt de nous quitter. Dans un mois, on a encore plein de choses sur le résultat des actions qui sont menées. Tout à fait. On va passer donc à la grande partie avec Germain qui va nous parler du G20. Et du G8. Et du G8, merci Germain. Et effectivement, il y avait un G8 et même un G7 avant d'ailleurs. Et tu vas nous dire d'abord de quoi il s'agit pour qu'on comprenne bien ensuite ce que nous dirons Xavier et moi sur les paradis fiscaux et le G20 et surtout Wilfried que nous appellerons à Paris. Nous t'écoutons Germain. Oui, vous savez que la semaine prochaine se tiendra à Nice un sommet international, le sommet du G20, 16e édition. Ce sommet du groupe des 20 réunit en réalité 19 pays plus l'Union européenne, ce qui constitue au total 40 États considérés comme les plus riches du monde. Ce sommet établit un dialogue entre les chefs d'État de ces pays, leurs ministres des Finances et deux invités de marque, la directrice du FMI, Christine Lagarde, et le président de la Banque mondiale. Ce sommet a lieu deux fois par an, donc sous la direction d'un président désigné parmi les chefs d'État participants. C'est une présidence tournante qui change tous les ans, et actuellement ce n'est autre que Nicolas Sarkozy. On y prend des décisions majeures de nature géostratégique, économique ou écologique. Exemple, la signature d'accords économiques comme Bâle III, que certains connaissent peut-être, ou la mise en place du protocole de Kyoto. Bien sûr, ce sommet a un frère aîné, comme on disait, le G8, car en réalité, le G8 est antérieur au G20. À l'origine, d'ailleurs, il n'était, oui, on l'a dit, constitué que de 7 pays, donc G7, jusqu'à ce que la Russie le rejoigne en 2008. Leur rôle... Germain, dans ce G8 et ce G20. Eh bien, leurs rôles sont bien partagés. Le G8 s'attelle à la dimension économique, tandis que le G20 s'axe sur la dimension géostratégique. Ces sommets sont fortement suivis dans les médias, à grand renfort d'effets d'annonce, de prise de parole avant, pendant, après, et de rapports synthétiques relayés par les ministres et autres porte-paroles. Mais intéressons-nous plutôt au G20 et à ses réalisations. Pour ce qui est des solutions, le G20 possède des groupes de réflexion, des think tanks, comme par exemple le groupe de Rome, antiterroriste, le groupe de Lyon, anti-trafic organisé, qui sont d'ailleurs communs au G8 et au FMI. Et nous reviendrons sur ces copinages. En termes de réalisation, en 2009, le G20 supprime les paradis fiscaux. En 2010, il recommande une règle d'or et vote les accords de Bâle III. En 2011, il doit réguler la finance et mettre en place une taxe sur les transactions financières. Bon, alors ça, excuse-moi Germain, il y a quand même des choses fort importantes, puisqu'on parle de règles prudentielles de Bâle III, on parle de terrorisme, ils parlent de tout en fait dans ce G8-G20. Ils parlent de tout, mais ils font pas grand-chose. Ah, d'accord. Parce que bon, sur le papier c'est bien beau, mais en réalité c'est pas tout à fait ça. Car si on se penche sur l'historique des propositions et des réformes entrées en vigueur, on constate que les objectifs ne sont pas tenus. Les mises en place des transactions financières, sujet abordé dès 2010, est à ce jour encore à l'état de projet. Le G20 s'intéresse surtout à sa popularité médiatique plutôt qu'à sa capacité à résoudre les problèmes que nous rencontrons. C'est polémique ça. Oh, mais oui, il faut un petit peu de temps en temps. On retient volontiers que Nicolas Sarkozy a sauvé le monde, mais la réalité est plutôt décevante. Et d'ailleurs, comme exemple, on peut dire qu'on a fait disparaître les paradis fiscaux, mais en fait, on a plutôt fait disparaître les pressions qui pesaient sur eux. C'est sur quoi nous reviendrons d'ailleurs avec notre invité, Wilfried Morin. Ah oui, je pense qu'il aura des choses à dire sur ce point-là, Wilfried, ok. Ces sommets se veulent rassembleurs. Il ne fait aucun doute qu'ils sont mus par une volonté commune. En témoignent les efforts des dernières années d'augmenter leur fréquence et d'étoffer les interventions. Le prochain sommet s'apparente d'ailleurs à une grande convention. Il s'agrémente de rassemblements spécialisés qui se jouent en parallèle, comme le G20 IS pour les jeunes investisseurs ou le B20 avec les dirigeants des grandes entreprises. Mais l'impression qui subsiste, c'est qu'au-delà de son ouverture aux acteurs susceptibles d'agir sur la croissance et des groupes d'intérêts nationaux, ces sommets ne s'intéressent qu'à eux-mêmes. L'idéologie motrice et le néo-capitalisme sont très en vogue dans nos pays riches. Après cela, se pose la question de la légitimité de tels sommets. Savoir que seuls les pays les plus riches y sont représentés nous interpelle sur le regard que portent les 160 autres États. Eux se tournent plus volontiers vers l'ONU, qui rassemble 193 États. Les intérêts particuliers défendus par le G20 sont loin de s'approcher des intérêts généraux, tant au point de vue écologique, énergétique, nutritionnel et surtout économique. La concurrence entre le G20 et l'ONU se manifeste par des séries de propositions de substitution à celles de l'ONU. L'intention qui se cache derrière, c'est de gagner le leadership mondial. Le projet de gouvernance mondiale n'est pas un secret dans la bouche du président du G20, Nicolas Sarkozy. Voir les plus riches devenir maîtres du monde a quelque chose d'écœurant. Hein ? Le suffrage censitaire comme aboutissement de l'évolution de l'humanité, autant dire game over. Mais tout n'est pas perdu. C'est dans ce contexte que s'organisent les contre-sommets depuis 1984. Leur objectif est double, démontrer qu'une autre voie est possible, mais surtout faire de vraies propositions, concrètes, réalistes et si possible entendues. Ils sont eux aussi relayés dans les médias, mais malheureusement, plus lorsque des incidents y surviennent, et même quand il ne s'y passe rien de fâcheux. Faute d'être facilement écoutés, les altermondialistes de ces contre-sommets se tournent bien volontiers vers l'ONU, représentant légitime du peuple mondial, qui se réjouit de voir ces groupes lui accorder leur crédit. Wilfried Morin, on ne l'a pas encore à l'antenne, mais je voudrais bien lui poser la question. Dans un avenir proche, à quel risque devrons-nous faire face ? Que les organisations internationales historiques soient supplantées par une gouvernance mondiale autoproclamée ? On est en droit de se demander ce que fera le G8-G20 face à la crise qui vient. Mais il faut garder à l'esprit l'espoir que les manifestations et les contre-sommets gagnent en poids et en cohérence. Oui, bravo pour la question. On la posera à Wilfried tout à l'heure. Bon travail effectivement de présentation du G8 et du G20. Tu as largement insisté sur l'inefficacité. Effectivement, c'est une des caractéristiques du G8-G20. Je ne pense pas qu'il y ait grand-chose à en attendre. Ben, si je peux faire une petite parenthèse, les sommets se préparent un peu à l'avance. Et le week-end dernier, le porte-parole qui s'est exprimé à ce sujet a dit qu'il ne fallait pas attendre de miracle du prochain sommet. C'est dire à quoi s'attendre. Et c'est couper l'herbe sous le pied de notre président de la République qui va certainement essayer d'en faire quelque chose. Mais là, effectivement, on pense que c'est le bon sens et c'est l'histoire qui nous montre, même récente, du G20, que beaucoup de paroles et puis beaucoup d'esbroufes et pas vraiment grand-chose. Eh bien, maintenant, on va aborder la question du G20 et puis des paradis fiscaux. Alors, ça a été abordé un peu par Germain tout à l'heure, et les paradis fiscaux ont été un gros thème, en tout cas en termes d'annonce, des G20 précédents. En fait, ça a été préparé il y a 3 ans maintenant, pardon, à New York en 2008, et ça a vraiment démarré avec le G20 de Londres en avril 2009, s'il me semble. Alors, si les dates ne vous disent rien comme ça, vous aurez certainement en mémoire l'histoire des classements en trois catégories de pays, en trois couleurs. Une couleur noire, une couleur grise et une couleur blanche. Cette liste, on la doit à l'OCDE. L'OCDE, l'Organisation pour la coopération et le développement économique, qui réunissait les 30 pays les plus riches du monde à sa création au début des années 60. J'insiste deux mots quand même sur l'OCDE parce que l'OCDE joue un rôle essentiel sur la lutte contre les paradis fiscaux. L'objectif de l'OCDE, ça a toujours été l'économie de marché, sa fonction, celle d'une agence internationale défendant le libéralisme, la privatisation et la stabilité financière. Notons que de toute façon, il n'empêche, les travaux de l'OCDE font autorité dans le monde de la recherche et dans le monde en général. Et je pense qu'il faut s'interroger, il faut lire et interpeller les questions qui nous interpellent plutôt de l'OCDE. Alors, je reviens sur ces trois listes-là, hein, qui sont obsolètes maintenant. Hein, elles ont été changées, elles ont évolué, et ça c'est une bonne chose, ça prouve qu'il se passe quand même des choses, même si on est tenté de dire qu'il ne se passe pas grand-chose. La liste noire, donc, ce sont quatre pays qui ne se sont jamais... qui se sont toujours dit prêts à ne pas coopérer. Donc voilà, ça c'est les quatre listes noires. La liste grise, c'est 38 pays qui se sont engagés oralement, c'est quand même assez curieux, mais ils se sont engagés oralement à travailler au moins 12 conventions, à signer au moins 12 conventions avec d'autres pays. Et en fait, ces conventions, ce sont des traités d'échange fiscaux, d'informations fiscales. Il y a aujourd'hui, maintenant on sait, à peu près 500 traités qui ont été signés par les États en question. Ça paraît pas mal, mais en fait, le CCFD Terre Solidaire, donc le Comité catholique contre la faim, a fait le calcul. En fait, si on fait une combinatoire de tous les paradis fiscaux avec les autres États, les échanges, il faudrait avoir 58 000 conventions signées. Donc, on est assez loin du compte. Et donc, aujourd'hui, on sait qu'il n'y a plus de pays sur la liste noire. Ils se sont engagés à donner des réponses, à engager des conventions. Et le nombre de pays sur la liste grise a sensiblement diminué. Ils sont la moitié moins. Ils sont devenus donc blancs. Alors, il y a une chose qui me semble importante de préciser, c'est le vocabulaire, parce que le vocabulaire évolue aussi avec la réflexion sur les paradis fiscaux. On parle de paradis fiscaux et de pays généralement, mais ce ne sont pas forcément des pays. Et ça, c'est fort important. Ça peut être des territoires. Et les territoires peuvent être dépendants de pays ou d'États qu'on connaît. J'en cite un seul exemple. Les Bermudes, par exemple, sont un territoire... et non pas un pays, sont un territoire qui dépendent militairement, pour sa défense, de l'Angleterre, du Royaume-Uni. Et c'est une dépendance qu'on peut... Il y a d'autres exemples. Hein, l'île de Man, l'île de Wight, les Antilles néerlandaises sont sous dépendance, bien sûr, des Pays-Bas. Alors, autre type de vocabulaire... qui a fait évoluer la réflexion, c'est les centres financiers offshore. Offshore, ça veut dire littéralement en dehors de la côte, loin en mer. Et le centre financier offshore, c'est un lieu qui est plutôt loin, distant des normes réglementaires, des normes prudentielles standards. Donc, ce vocabulaire, c'est plutôt celui des chercheurs, et il reste le dernier type de vocabulaire qui désigne les paradis fiscaux, et ça, vous allez l'entendre avec le G20, du mois de novembre, ce sont les juridictions non coopératives, ce sera le mot qui sera employé. Alors, il n'en reste pas moins vrai que le terme paradis fiscal parle à tout le monde. Et vous avez peut-être lu dans la presse, dans Le Monde, la semaine passée, et dans Politis, la campagne du Comité catholique contre la faim et le territoire solidaire sur le thème « Un paradis fiscal, c'est d'autant d'écoles que les pays pauvres n'auront pas ». Et le CCFD estime à 125 milliards de dollars l'argent qui est spolié au peuple. Alors, selon le CCFD, toujours Terre Solidaire, la stratégie du G20 est d'accuser les paradis fiscaux d'avoir joué un rôle prépondérant dans la crise financière. Et donc, la méthode, mais qui marche pas mal en fait, puisque les ONG, les altermondialistes font aussi ça, c'est de montrer du doigt les paradis fiscaux pour faire en sorte qu'ils rentrent dans le rang. C'est un peu, on est bien dans la doctrine libérale en fait de l'OCDE, c'est typiquement le principe du libéralisme qui consiste à faire à croire que le marché est capable de s'autoréguler. Et s'il y a des écarts, c'est parce que s'il y a des écarts par rapport à la norme, ben, c'est parce qu'il y a des tricheurs, quoi, hein. Donc c'est peut-être un peu simple. Il faut quand même dire qu'on a tendance à penser sérieusement que les paradis fiscaux sont immanents à la logique du libéralisme de toute façon. Et ça, faut s'y tenir parce qu'effectivement, on peut en faire des démonstrations. Alors, Comment on s'y prend ? Une première étape de l'OCDE a été de dire, bon ben voilà, les gens sur la liste noire sont passés à la liste blanche, les gens de la liste grise sont passés à la liste, les gens de la liste noire sont passés à la liste grise, les gens de la liste grise, les pays de la liste grise sont passés en liste blanche, donc tout va bien. On a trouvé que c'était un peu court et l'OCDE a fait amende honorable et a organisé le Forum fiscal mondial, qui est d'ailleurs présidé par François Daubert, un homme politique français, et, qui consiste à passer en revue les promesses de coopération fiscale qui ont été faites par chacun des pays. Cette revue est réalisée par les pays eux-mêmes, les régulateurs en fait, et par des superviseurs qui, là, pour le coup, dépendent de l'OCDE. Alors, ça laisse toujours quelque chose d'un peu inachevé pour des gens comme nous, les altermondialistes, parce que le régulateur, il régule quoi dans son propre pays, hein? Ce sont des questions qui se posent. Et de toute façon, le G20 n'a aucune compétence pour jouer ce rôle de gendarme qu'on aimerait peut-être qu'il joue. Je voudrais aussi maintenant aborder, puisque on l'a largement dit avec Germain, la question de la présidence française pour le G20 de Cannes. Deux thèmes concernent les paradis fiscaux. C'est la réforme du système mondial, du système monétaire international. Alors là, ça devient compliqué. On constate qu'il y a des déséquilibres. Merci, on s'en était un peu perçu. Et je pense que là, c'est quand même un challenge qu'on n'arrivera pas vraiment à résoudre. Et on a un très bel exemple de choses sur lesquelles on va buter. C'est que, vous le savez, on l'a entendu, les Américains veulent absolument que le yuan chinois se valorise. Les Chinois, de la même façon, ne veulent rien du tout entendre. Et donc, voilà, on va se heurter à des choses très simples comme celle-là qui ne vont pas faire avancer les choses. Le deuxième point me semble plus intéressant, pour ma part en tout cas, c'est annoncé par la présidence française, hein, j'entends bien, c'est renforcer la régulation financière. Donc on est passé de la monnaie à la finance et la présidence française dit qu'elle veillera à la mise en œuvre effective des règles décidées par le G20 pour renforcer le contrôle du secteur financier et réguler le dit secteur financier. On est toujours dans la régulation, on est toujours dans le libéralisme, comme si les paradis fiscaux et la fuite des capitaux, encore une fois, n'étaient pas immanentes au système. Et un mot important est lâché, c'est la régulation viserait le secteur bancaire fantôme. On l'appelle aussi le shadow banking. Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, d'un processus selon lequel des intermédiaires financiers non bancaires jouent le rôle de banque. Alors, comment ils font ? Ils jouent exactement le rôle d'une banque, c'est-à-dire qu'ils prêtent de l'argent, ils reçoivent de l'argent, ils prêtent de l'argent. À ceci près que, contrairement aux banques, ils n'ont pas possibilité, ils n'ont pas de règles prudentielles. Vous savez, tous, on sait généralement que la banque normale a des fonds propres qui lui permet d'être solide en cas de crise. Encore qu'on a vu que c'était pas si simple que ça. Ici, ces intermédiaires financiers qui jouent le rôle de banque sont effectivement dans une situation plus délicate dès l'instant qu'ils ont besoin de se ressourcer, de se refinancer en monnaie. Un élément fort important, c'est la régulation vise le secteur bancaire fantôme. C'est écrit en toutes lettres. Alors, de quoi s'agit-il ? Je pense qu'il faut en dire un mot. L'expression anglaise est « shadow banking ». C'est littéralement la banque de l'ombre, en fait. Hein. Le shadow banking, c'est une activité bancaire menée par des entités qui ne reçoivent pas de dépôts et qui, surtout, ne sont pas régulées comme des banques. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas soumises à la réglementation bancaire et notamment les règles prudentielles. On a peut-être déjà parlé ici de Bâle 1, 2 et 3, hein, qui sont les règles prudentielles actuellement pour les banques. Et donc, ces activités bancaires, qui sont menées par des organismes non bancaires, fonctionnent tout à fait bien. C'est-à-dire qu'elles peuvent emprunter de l'argent, elles peuvent aller sur le marché interbancaire et recevoir des ressources des banques de dépôt, et même recevoir de la liquidité excédentaire d'organismes comme des caisses de retraite, comme des grandes institutions qui ont une trésorerie importante. Des assureurs, particulièrement, peuvent aller, ce système bancaire peut aller chercher de l'argent là. Mais le problème, encore une fois, c'est celui de ne pas être une banque de dépôt. Et donc, on va citer un seul exemple qui, je pense, est historique maintenant. Voilà typiquement l'activité que menait la banque Lehman Brothers. En fait, la législation américaine sur les banques est très claire. On aide les banques qui sont des banques de dépôt. On n'aide pas les banques qui sont des banques d'affaires. Et du coup, les épargnants dont je viens de parler, ceux qui ont mis une partie de leur retraite en capitalisation, c'est quand même fort important de savoir, et bien ceux-là sont spoliés, ils ne sont pas protégés par la faillite. Je crois que ça, c'est un élément fort important du système bancaire international, le shadow banking, et on n'a pas encore d'idée de savoir comment on va réguler ça avec aujourd'hui le système mis en place, y compris par l'OCDE. On y réfléchit, mais encore une fois, l'OCDE n'est pas un organisme qui va pouvoir faire autre chose que de dire voilà la situation telle qu'on la connaît, voilà ce qu'on pourrait faire, mais n'a aucune compétence pour le faire appliquer. Alors, c'est un peu dommage, mais j'entendais encore François Daubert dire qu'on est encore, de toute façon, dans le naming et le shaming. En fait, on va dénoncer les gens et on va montrer du doigt ceux qui ne fonctionnent pas correctement. Voilà, c'est un peu léger, mais c'est comme ça. On ne fait pas beaucoup plus au G20. Bien, voilà un peu ce qu'on voulait dire, hein, sur les paradis fiscaux et sur les choix de la présidence française et les limites surtout. Et nous allons aborder d'ailleurs ce soir avec Wilfried Morin, qui est chargé de la mobilisation à Attaque, de nous dire comment ça va se passer, parce que les altermondialistes n'ont pas l'intention de laisser tomber la pression sur le G20, même si on sait que le G20 n'est pas forcément très actif. On a quand même une grosse présence des altermondialistes à Nice. Wilfried Morin, est-ce que vous m'entendez ? Oui, je vous entends très bien, bonsoir. Très bien, et merci d'être parmi nous. Xavier, René et moi, nous allons vous poser des questions. Et je pense qu'il faudrait peut-être faire un point que nous n'avons pas forcément actuellement sur la situation. Avant d'aborder la question de la mobilisation des altermondialistes pour ce G20 de Cannes de très bientôt. Alors, l'état des négociations, il est plus très avancé par rapport aux priorités qui étaient affichées par la présidence française du G20 en début d'année, puisque la présidence française souhaitait à la fois réformer le système monétaire international, renforcer la régulation financière, lutter contre la volatilité des prix des matières premières, soutenir l'emploi et renforcer la dimension sociale de la mondialisation, tout en luttant contre la corruption, en agissant pour le développement. Et ouais. Par rapport à ces ambitions qui sont tout à fait colossales, qui étaient tout à fait colossales, en fait, on va se rendre compte que le G20 risque d'accoucher d'une souris, puisque selon les dernières informations qu'on a pu avoir sur les processus de négociation, à cette étape, les seules choses qui sont sur le tapis par rapport à ce G20, c'est la mise en place d'une task force sur l'emploi des jeunes, sur les questions sociales. C'est la multiplication des signatures de conventions bilatérales sur la question des paradis fiscaux. Vous savez, c'est ces fameuses conventions qui peuvent faire d'un coup de baguette magique disparaître des paradis fiscaux, et éventuellement la mise en place d'un groupe pilote sur la question de la taxation des transactions financières, sachant que le dernier G20 des ministres des Finances qui s'est tenu ce week-end à Paris a carrément enterré la taxation des transactions financières, puisqu'il y a de vives oppositions de la part, notamment de la part des États-Unis, de l'Australie et de certains pays émergents. L'Union européenne avait quand même annoncé ça, quand même. Déjà, au niveau de l'Union européenne, il faut savoir que Londres, bizarrement, avec sa City, qui est la première place boursière européenne, est radicalement opposée à la mise en place d'une telle taxe. Donc, au mieux, si vous voulez, une taxe pourrait être mise en place dans le cadre de la zone euro. Et pour le coup, il y a une avancée un petit peu positive, puisqu'il y a eu un texte qui a été signé au Parlement et que les choses semblent avancer dans le cadre de la zone euro. D'accord. C'est quand même modeste par rapport aux ambitions affichées. Oui, c'est très modeste. Et c'est vrai que Nicolas Sarkozy comptait sur ce G20 pour redorer un petit peu son blason au niveau international. Et il se retrouve maintenant dans une sorte de position d'arbitre de la situation internationale, où en fait, on a une Europe qui se fait taper sur les doigts de toutes parts par rapport à sa crise de la dette et aux problèmes en Grèce, sur fond de guerre monétaire internationale. Entre les deux géants que sont le G2, en fait, on peut les appeler le G2, la Chine et les États-Unis. Et c'est vrai que dans ce contexte-là, il y a peu à attendre en termes de décision de ce G20. Si, on aura certainement, comme à tous les sommets qui viennent de se dérouler, que ce soit le G7 Finance à Marseille ou même là encore le G20 Finance de ce week-end, une déclaration vide de sens et creuse sur une croyance à la croissance équilibrée, à la maîtrise des flux monétaires internationaux et à l'action coordonnée de chaque État, et sans aucun engagement chiffré et au bon vouloir de chacun. Oui, des choses entendues déjà et qui sont un peu rengaines maintenant. Je ne sais pas si ça convainc encore beaucoup de monde, mais enfin, ils ont l'air d'y croire. Et pourquoi une telle mobilisation alors qu'on n'est pas certain, qu'on est même affirmatif à attaque, que le résultat attendu sera décevant de toute façon? C'est un point très intéressant en fait. C'est-à-dire que quand on regarde le cheminement historique du mouvement altermondialiste, c'est un mouvement qui s'est construit au travers des grandes échéances internationales. C'est Seattle avec l'OMC en 99. Pour mémoire, il y a eu un G8 en France où il y avait une mobilisation massive à Évian en 2003. Le dernier G8 qui a connu des mobilisations massives, moi j'y étais, c'était le G8 d'Heiligendamm avec les mobilisations à Rostock. Donc il y a une tradition de mobilisation du mouvement altermondialiste au niveau international, mais c'est vrai qu'aujourd'hui la configuration est un petit peu différente. C'est-à-dire qu'on est on est dans un cadre où le G8 est totalement délégitimé. C'est juste un club de préparation du G20, même si ça reste un espace quand même très important par rapport à tout ce qui est politique sécuritaire et politique guerrière, parce que c'est un espace où les pays occidentaux peuvent s'entendre entre eux. C'est toujours plus facile de s'entendre à 8 qu'à 20. Et un G20 qui était annoncé comme le sauveur du monde en fin 2008 à Washington quand il a été mis en place. Enfin, il n'a pas réellement été mis en place, mais le G20 se réunissait depuis la fin des années 90. C'est à l'initiative d'ailleurs de Nicolas Sarkozy que fin 2008 à Washington, ce sont les chefs d'État qui se sont réunis. Et c'est vrai que de G20 en G20, on s'est rapidement aperçu qu'en fait rien ne se passait. Mais en fait, cette absence de décision est tout de même particulièrement importante. C'est d'abord un symbole, c'est l'abdication du pouvoir politique face à la finance. Et les pays du G20 et les principaux politiques qui sont derrière ce G20 sont là effectivement pour gérer l'existant. Ils n'ont aucune volonté, malgré toutes leurs annonces, et on en a eu depuis quelques années, depuis le début de la crise, des effets d'annonce dithyrambiques sur la suppression des paradis fiscaux, sur les bonus des traders. À l'arrivée, quand on regarde précisément la façon dont ce G20 fonctionne, c'est juste un cadre totalement informel, qui n'a aucune légitimité, et qui ne prend pas de réelles décisions pour s'attaquer aux sources du mal. Mais tout simplement parce que ce G20 est le garant du système. Donc ça veut dire aussi que oui, il est toujours aussi important de se mobiliser face à cette instance-là, parce qu'on ne peut pas les laisser faire. Et je pense que c'est aussi, faut percevoir cette mobilisation face au G20 du mouvement altermondialiste dans un processus de mobilisation plus large. Je pense qu'il faut vraiment s'inscrire à la fois dans le mouvement des révoltés dans les pays arabes, dans le mouvement des indignés qui était jusqu'à ce week-end essentiellement dans les pays du sud de l'Europe, mais qui est en train de prendre une ampleur internationale. Et de Londres en particulier, oui. Ça fait. Voilà, à Londres, à la City, les 91% à la bourse aux États-Unis, à Wall Street. Donc, on s'inscrit clairement maintenant dans cette filiation. Et je pense aussi que c'est vrai. On est obligé d'être là à ce moment-là, parce qu'on ne peut pas les laisser faire. Et en même temps, c'est vrai qu'on s'inscrit dans un processus de mobilisation beaucoup plus large, où les sommets internationaux restent importants, mais d'autres formes de mobilisation sont en train de naître. Et voilà, il faut trouver la cohérence entre ces différentes formes de mobilisation aujourd'hui. Oui, effectivement, non, c'est pas simple, mais je crois qu'il y a quand même un retentissement international. Je pense qu'à chaque fois qu'il y a eu un G8, G20, je parle pas de ce qui s'est passé à Gênes, il y a eu quand même une information fort importante, autant quasiment de la part de ce qui se passe dans les cercles clos du G20 que dans la rue, en fait. Oui, et je pense que ce sera le cas aussi à G20, le déploiement médiatique au G8 de Deauville qui s'est tenu là au mois de mai, oui. et au contre G8 du Havre a été colossal aussi, parce que c'est aussi à un instant donné le moment où tous les projecteurs sont braqués, et c'est aussi pour nous une opportunité d'avancer nos propositions qui étaient raillées il y a 10 ans, mais qui sont maintenant reprises jusqu'au sommet des États et des instances internationales, comme l'idée de la taxation des transactions financières. Donc c'est un moment pour avancer nos idées, et aussi pour faire passer ce message qu'effectivement, ce G20 est un symbole du renoncement des politiques face à la crise, et que les solutions sont ailleurs, et que les solutions doivent être portées par les peuples. Et ces solutions, en plus, le mouvement social, le mouvement altermondialiste, en a clairement, et ce sera l'occasion pour nous de les mettre en avant, de mettre en avant aussi toute cette idée, tout ce sentiment de révolte et d'indignation. Donc c'est aussi un temps fort de mobilisation au niveau international, et on espère d'ailleurs, on attend d'ailleurs, au-delà de la mobilisation en France, et nos amis anglais, nos amis italiens, nos amis espagnols nous ont dit, pour le G20, on verra en fonction du 15 octobre, et si c'est une réussite. Et vraisemblablement, le 15 octobre a été une réussite, en tout cas, dans ces pays-là, une ampleur peut-être un petit peu moindre en France. Oui. Donc on a aussi de l'espoir de voir la dimension internationale, avec tous ces gens qui vont pouvoir se mobiliser, notamment d'Espagne et d'Italie, et d'être nombreux dans la rue à faire entendre une autre voix. Oui, je suppose qu'il y a aussi des Espagnols et des Italiens qui viendront à Cannes, à Nice plutôt. C'est prévu quelque chose d'international. C'est les attaques, les autres ONG internationales. Qui sont les participants en gros? Alors aujourd'hui, on a une coalition nationale qui regroupe une quarantaine d'organisations. Si vous voulez, il y a, je dirais, l'ensemble du mouvement altermondialiste, les syndicats, tout un certain nombre d'ONG, de solidarité internationale, de mouvements écologistes, d'aide au développement. Donc la coalition est très très large. Il y a le soutien d'énormément de réseaux internationaux. Et il y a également le soutien, c'est la même chose que pour les forums, le processus des forums sociaux mondiaux, le soutien de l'ensemble des partis de gauche. Donc la mobilisation est préparée de manière très très large. L'idée, en fait, c'est que on refuse la confrontation frontale avec le G20. Donc le G20 se tiendra à Cannes, et nous avons décidé de nous mobiliser juste à côté, à Nice, en fait, justement pour plus être dans cette logique d'affrontement et de confrontation, où les seules images que l'on peut voir apparaître, ce sont des images de casseurs, et les médias sont friands de ce genre d'images. Donc voilà, on est en train de construire ça dans un cadre unitaire, et l'idée, c'est qu'il y ait donc une grande manifestation internationale le 1er novembre, qui est un jour férié. On peut dire que c'est le jour où on peut symboliquement enterrer la finance, et ce sera un enterrement très festif, hein. On est aussi dans une ville de carnaval à Nice, donc le cortège devrait être très très coloré, et particulièrement le cortège attaque d'ailleurs, qui devrait être en tête, en avant du cortège, puisque c'est les associations qui défileront en premier. Et après, il y aura un alterforum avec plus d'une cinquantaine d'activités prévues par des organisations françaises, mais aussi des mouvements internationaux, qui vont se tenir pendant 3 jours, en fait, les 2, 3 et jusqu'au 4, le 4 novembre, où nous tiendrons notre propre conférence de presse finale, avec notamment des temps collectifs prévus par la coalition nationale, puisqu'il y aura 2 soirées, une soirée plus type meeting le 2 novembre au soir, et un grand banquet des alternatives, avec une dimension aussi un peu assemblée populaire, où on s'inspire aussi de ce qui se passe dans le mouvement des indignés, le jeudi 3. Et vous savez, hein, même si Nicolas Sarkozy a annoncé en 2009 au G20 de Londres que les paradis fiscaux avaient disparu, ils sont bien présents et il se trouve que Nice est juste à côté d'un paradis fiscal que l'on connaît très très bien puisqu'on est un peu chapeauté sous l'aile de la France, c'est Monaco. Oui. Donc il y aura aussi le jeudi 3 au matin, une mobilisation, un comité de suivi de la disparition des paradis fiscaux, c'est-à-dire nous, qui allons nous rendre à la frontière de Monaco, où je pense que nous serons attendus par des hordes de policiers, puisqu'il faut savoir qu'une fois de plus, le budget sécuritaire pour la tenue de ce G20 est totalement colossal. Hein. On parle de 20 millions d'euros et de 20 000 forces de l'ordre pris au sens large mobilisées, où forcément Monaco sera barré par les forces de l'ordre, ce qui démontrera très bien que Monaco est toujours un paradis fiscal. D'accord, ce ne sera pas l'armée monégasque, donc avec le prince en tête. Oui, alors, je suis très content de cette explication, parce que je me posais la question de savoir pourquoi c'était Nice et pourquoi c'était pas Cannes, du coup. Et là, effectivement, j'aime bien cette explication qui consiste à mettre en parallèle deux états d'esprit et deux choix politiques, économiques et sociaux différents. Oui, et puis... Il faut vraiment, là, par rapport à ce que je disais avant sur le fait qu'il n'y a rien à l'agenda de ce G20, et nous, on a décidé justement, et on a eu bien raison à l'époque quand on a travaillé ça avec nos autres partenaires de la coalition, c'est de dire, on va pas se caler sur l'agenda du G20. Notre agenda à nous, en tant que mouvement altermondialiste, c'est l'agenda des peuples. Et on a décidé d'ailleurs de placer la mobilisation derrière six grands mots d'ordre, en fait. Le premier, c'est inégalité, austérité, y en a marre. Le second, c'est la vie, pas la bourse. Le troisième, c'est changer le système, pas la planète. Le quatrième, c'est ne jouez pas avec notre nourriture. Le cinquième, c'est indigné, révolté, solidarité. Et le sixième, c'est ils sont 20, nous sommes des milliards. Et l'ensemble, en fait, de la manifestation, nous aurons tous ces slogans qui seront disséminés. Il y a plus de 5000 versions de ces slogans qui seront distribués aux participants de la manifestation. Et toutes les activités de l'Alter Forum sont placées, en fait, derrière ces grands slogans et ces grands thèmes. Et on va vraiment débattre en fait de ce qu'il y a à l'agenda des peuples, et on va s'inscrire dans le cadre de ce contre-sommet dans un processus de mobilisation beaucoup plus large, puisque le lancement en fait de l'appel à mobilisation face au G8 et G20 s'est fait au Forum Social Mondial de Dakar en début de cette année, et on s'inscrit dans un processus de mobilisation qui va nous mener jusqu'à Rio plus 20, où vous savez peut-être, fin 2012, il y a la conférence comme à Copenhague sur les questions environnementales, qui devrait être un grand raout puisque c'est les 20 ans de la conférence de Rio. Et il y aura également, et ça c'est très important parce que la mobilisation est forte à cette occasion-là, il y aura notamment au mois de mars 2012 aussi le Forum mondial alternatif de l'eau qui se tiendra à Marseille. Et il y a aussi un énorme travail qui est fait par rapport à ça. Donc on est sur notre propre agenda, on s'inscrit dans les mouvements en cours. On se sert juste en fait du G20 comme une échéance, comme un temps fort pour mettre en avant nos idées et montrer que les solutions ne sont pas là, et les solutions sont ailleurs. Et je pense que pour ça, d'ailleurs, le slogan des indignés américains est très très fort. Nous sommes les 99% et ces 20 personnes-là symbolisent ce 1% de personnes les plus riches qui président aujourd'hui aux destinées des peuples. Et je pense que le mouvement qui est en train de se lever montre clairement qu'on ne veut plus ça. On ne sait pas encore comment on y arrivera, mais en tout cas, ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas senti une ampleur de mobilisation au niveau international, et notamment ce week-end. Donc voilà, la dynamique, elle est de notre côté, je pense, aujourd'hui. Et donc, les six mots d'ordre, là, je reviens une seconde là-dessus, on les a entendus cet été à Freiburg, non ? C'est pas ça ? Oui, c'était ça, oui, c'était moi d'ailleurs qui l'ai donné par rapport à la mobilisation, et on est clairement inscrit derrière ces mots d'ordre, et après on va essayer de les traduire aussi concrètement en termes d'idées et de propositions qui vont être avancées sur les différents points. Mmh. Merci pour cette intervention et le point sur la mobilisation à Cannes, où espérons-le, il y aura beaucoup de monde. Bonsoir et merci. Bonsoir. Écoute chérie, on a 80 ans, il est temps de rejoindre le cimetière des éléphants. On a assez d'argent pour se payer une suite, des couches-culottes de luxe pour colmater nos fuites. Faut dépenser à tout prix notre fric avant de canner, dans les machines à sous une dernière fois gagné. On va à Cannes, on va à Cannes, se faire griller nos petites guiboles. On va à Cannes, on se faire des bouffes, manger des glaces. Le premier qui s'étouffe gagne la première place. Sinon, comme des gros cons, on veut sur la croisée mourir d'insolation, ce serait vraiment très chouette. Ou encore sous le poids des bijoux, on pourrait s'écrouler à genoux et crever milliardaire. On va à Cannes, on va à Cannes, se faire crier nos petites guibolles. On va à Cannes, on va à Cannes, se faire masser nos vieilles peaux molles. Cannes, ville de vieux, où des cadavres blêmes gisent dans les rues farcies de chrysanthèmes. Cannes, ville de Bourges, où des enfants obèses se gavent de glucose dans de trop longues chaises. On va à Cannes, on va à Cannes, se faire griller nos petites guibolles. On va à Cannes, on va à Cannes, se faire masser nos vieilles peaux molles. Bien, c'est la dernière partie de l'émission de ce soir, avec deux choses à voir, c'est les conseils de lecture et puis les rendez-vous militants par Antoine. Les conseils de lecture, on a trois livres à vous conseiller ce soir. Germain va nous parler du G8-G20, René de manière de voir sur les banques et moi je parlerai du tout dernier roman policier que j'ai lu. À toi Germain. Oui. Pour en apprendre plus sur l'histoire du G8-G20 et s'imprégner de critiques altermondialistes sur le sujet, je vous conseille un recueil d'analyses de membres d'attaque qui est sorti juste avant l'été intitulé « Au mépris du monde, G8-G20 et peuple en lutte ». Rédigé par le conseil scientifique d'attaque, cet ouvrage aborde le rôle de ces groupes et de leurs sommets, leurs ambitions, leur légitimité et pointe du doigt les objectifs non tenus lors de ces rencontres internationales. En se recentrant sur la présidence française du G20, on y démontre comment cette fonction interagit avec le quinquennat en cours et sert un besoin d'apparaître réactif et bienfaiteur. Cet ouvrage se place dans le contexte de Fukushima et des révolutions arabes et ainsi laisse apparaître que l'aspect démocratique est exclu de la donne, plaçant les G8-G20 en concurrence ouverte avec l'ONU. On y révèle que ces sommets usent de médiatisation pour s'imposer aux yeux du monde sur fond de gouvernance mondiale qui se profile à l'horizon. Ce recueil nous apprend comment les représentants du G20 tirent les ficelles qu'ils ne devraient pas avoir, entre autres, sur les marchés agricoles par l'intermédiaire des réformes de l'OMC, touchant par conséquent les plus démunis de la planète. Un ouvrage d'une centaine de pages de niveau accessible et facilement repérable dans les rayons de tous les libraires. En résumé, Au mépris du monde, G8-G20 et peuple en lutte, une bonne analyse géopolitique aux éditions Les liens qui libèrent, attaque, le tout pour seulement 9,50€. Voilà, on a même le prix pour en même temps, c'est parfait. Bon, voilà des choses qui effectivement sont intéressantes par rapport à ce que nous avons pu dire tout à l'heure avec Wilfried. Nous allons passer à René qui va nous parler du dernier Manière de voir. Alors, le dernier Manière de voir d'octobre-novembre, donc je rappelle que Manière de voir, c'est le bimensuel thématique du monde diplomatique et qui est intitulé « Crise financière, le casse du siècle ». Alors, si vous voulez des renseignements sur les pratiques des financiers et sur la manière dont ils nous grugent, je vous le recommande. Vous le trouverez en librairie, dans les kiosques, donc un peu partout. Voilà. Ouais, c'est parfait. Et puis il y a un tout dernier chapitre de Frédéric Lordon sur la socialisation des banques qui me semble vraiment pertinent en ces temps troublés. Pour ma part, ouvrage également de circonstances, c'est le tout dernier roman que j'ai pu lire, c'est Les yeux de Lyra, dont les auteurs, au moins une est connue, c'est Eva Joly et Judith Pérignon. C'est un ouvrage, un roman policier, un thriller vraiment, avec une histoire tout à fait passionnante qui réunit trois personnes qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Un chef des services financiers de Lagos, Nigeria, une journaliste russe qui manifestement fait peut-être référence pour Eva Joly à Anna Politkovskaya, et un greffier, clin d'œil évidemment à la justice française, un greffier de Nice qui va découvrir un certain nombre de choses. Chacun a des documents essentiels pour troubler la mafia et ils vont se retrouver tous les trois à Londres dans des circonstances assez épouvantables qui sont le fait même d'un vrai thriller. C'est un livre écrit avec un rythme rapide, les chapitres sont courts, entrecoupés de faux articles toujours bienvenus et les phrases sont courtes, très accessibles, très facilement lisibles. C'est un très bon livre à conseiller. Il n'y a pas de fête en octobre, mais donc offrez-le vous-même, c'est très bien, et passez-le à la famille. Voilà, et maintenant, dernier point, c'est Antoine qui va nous parler des rendez-vous militants de la région. Antoine, à toi. Oui, en effet, quelques rendez-vous militants locaux. En premier, travail et psychiatrie, quelle hospitalité pour la folie. Le cabaret de l'Union propose une soirée projection de films puis d'un buffet, suivi d'une émission de radio en direct et en public. Ce sera le vendredi 21 octobre prochain, de 19h à 22h30, au théâtre Pierre de Roubaix, boulevard Belfort à Roubaix. 8 jours après, paradis fiscaux, la grande évasion, à la veille du sommet du G20 à Cannes, cette soirée est proposée par Oxfam et Attac Lille, au cinéma L'Univers, rue Danton à Lille, le samedi 29 octobre à 20h. Je pense que Christian peut intervenir sur le sujet. J'ai l'honneur d'intervenir dans cette soirée-là avec Xavier sans doute aussi. Eh bien, on continue justement avec la mobilisation au sommet des peuples contre le G20. Ce contre-sommet se tiendra à Nice du 1er au 4 novembre. Info sur mobilisation pluriel g8g20.org. Wilfried en a déjà parlé. La santé, comment prendre en charge collectivement un bien commun. Cette conférence est organisée par les Amis du Monde Diplomatique à la Rose des Vents à Villeneuve-d'Ascq le lundi 7 novembre à 20h. Et le lendemain, l'appel des appels fera le point sur l'actualité lors de sa réunion le mardi 8 novembre de 20h15 à 22h15 à la MRES, Maison Régionale Environnement Solidarité, rue Gosselet à Lille. Et pour finir, l'engagement politique et citoyen sera un sujet traité par Nabil El Agar, vice-président de l'Université Lille 1, chargé de la culture, de la communication et du patrimoine scientifique, le jeudi 17 novembre à 18h30, à l'espace culture sur le campus universitaire de la Cité scientifique à Villeneuve-d'Ascq. Alors, le même soir à Cité Philo, Laurent Cordonnier et Jean Gadret débattront sur la croissance et la dette publique. Vous pouvez évidemment retrouver le programme sur le blog d'Attac Lille, www.attaclille.auvert-du6blog.com. Voilà, les deux dernières annonces nous perturbent quelque peu puisque c'est le soir de notre émission à nous, à peu de choses près, que vous ne louperez pas. Bien, bonsoir à tous. Le prochain thème de l'émission sera « La croissance n'est pas une solution à la crise » avec Jean Gadret. Donc, dans 4 semaines, le 17 novembre. Le 17 novembre, voilà. Bonne soirée à tous. Thank you. En Angleterre, tu peux écouter Radio Campus sur Internet www.campuslille.com.